réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec France Culture en ce vendredi 9 octobre. Depuis le début de la semaine, notre tête chercheuse Jean-Michel de la Comté relie pour nous Montaigne. Aujourd'hui, dans un instant, cinquième et dernier épisode. Et puis vendredi, bande dessinée. Ce vendredi, je reçois aux alentours de 6h20 Cyril Pedrosa. Dans le dernier album, Les Équinoxes est enfin en vente, c'est édité par Dupuis dans la collection Air Libre. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il arrive à temps pour éclairer un peu l'automne qui s'installe. Un autre jour est possible, votre réveil culturel préparé avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisé par Thomas Duterre et mis en onde ce matin par Philippe Palares. Tout de suite, tête chercheuse. Montaigne, l'auteur introuvable, une série avec Jean-Michel de la Comté. Et aujourd'hui, cinquième et dernier épisode avec vous, qui êtes spécialiste de Montaigne. Et aujourd'hui donc, cinquième et dernier chapitre de l'essai au roman L'Inexprimable. Bonjour. Bonjour. Oui, L'Inexprimable. Alors, je me propose... Oui, d'ailleurs c'est très étonnant parce que je ne suis pas au courant. Je vais découvrir avec les auditeurs un drôle de parallèle entre Montaigne et Marguerite Duras. Oui, oui, effectivement un parallèle assez oblique. Mais j'ai eu envie, comme vous avez la gentillesse de me convier à parler de Montaigne et puis à cette émission, j'ai eu envie de lire quelques lignes de Marguerite Duras. Non pas que Marguerite Duras soit nécessairement pour moi un auteur sacré, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais j'ai envie de lire les premières lignes de L'Amant que je trouve, je le dis tout de go, que je trouve absolument sublime. Et puisqu'il s'agit de L'Inexprimable, je pense que ce sera peut-être un moyen d'atteindre Montaigne, curieusement, par ce biais. Comme ça tombe bien, c'est une des œuvres les plus populaires de Marguerite Duras. Donc, oui. Très bien. Je parle du tout début, hein. La première page, quoi. Un jour, j'étais âgé déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître et il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venu pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant. » Dévasté. Je pense souvent à cette image que je suis seul à voir encore et dont je n'ai jamais parlé. Elle est toujours là, dans le même silence, émerveillante. C'est entre toutes, celle qui me plaît de moi-même, celle où je me reconnais, où je m'enchante. Voulez-vous que je vous dise, c'est très beau, ça nous rappelle de bons souvenirs, mais je vois toujours pas le rapport avec Montaigne. Eh bien... C'est poétique. C'est poétique parce que ce qu'elle dit là, il y a d'autres textes qu'on aurait pu prendre. Moi, je prends ce texte parce que peut-être aussi parce que c'est le texte d'une femme et que on en parlait l'autre jour. C'est pas mal, je trouve, de mettre en miroir, si je veux dire. Mais ce caractère, cette difficulté à dire quand on voit le texte que je viens de lire, on le lit, il y a des répétitions, et en même temps, elle dit en quelques mots quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. Ne jamais oublier, je sais plus qui disait ça, mais je trouve que la formule est très forte, c'est que l'écrivain, et là je le poète, mais l'écrivain est celui qui sait qu'il ne peut pas dire, qu'on n'arrive pas à dire. C'est ça l'écrivain. Et c'est en ça que qu'on n'arrive pas à dire, c'est une difficulté, c'est ça l'écrivain. On peut avoir d'autres avis, moi je crois ça. Et Montaigne, finalement, avec son idée d'essai, c'est exactement ça, quoi. J'essaie. J'adore cette idée. J'essaie de dire. En même temps, c'est sublime, ce qu'il écrit, lui. Je trouve que ces lignes de Marguerite Duras sont très belles. Sont très belles parce qu'en même temps, elles sont lacunaires. Qu'est-ce qu'on va faire comme portrait? On parlait d'autoportrait de Montaigne. C'est un autoportrait, Montaigne. Moi, je me veux portraitiste dans mon œuvre. Si j'ose dire. Le mot peut-être un peu emphatique, mais si vous me le passez, dans mon œuvre en général, pas selon là. Fait portraitiste. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une lacune, on ne peut pas tout dire. Quand on fait une biographie, on part du début à la fin, on essaye de tout dire. Sauf que L'amant, puisque vous citez L'amant, oui, de Marguerite Duras, c'est un roman, c'est pas un essai. Oui, mais c'est pas grave. Alors là, c'est une autre question. Vraiment, je vous remercie. C'est la formule consacrée, mais je vous remercie vraiment de votre remarque, en l'occurrence. Pourquoi? Moi, je suis convaincu. À force d'y réfléchir, je suis convaincu que le grand roman, ce n'est jamais qu'un essai sous une forme narrative. Voilà. C'est la différence entre un, selon moi, entre un grand roman, les grands romans, que ce soit Don Quichotte, que ce soit Proust, que ce soit Stendhal, peu importe, sont leurs œuvres, je veux dire. Je pense que c'est de l'essai. Pourquoi ? À la différence, vous voyez, par exemple, du roman policier, mais j'adore ça, le roman policier, mais ce n'est pas la même nature, ce n'est pas la même chose. Pourquoi y a-t-il, entre le roman et l'essai, une relation très forte? Et je dis jusqu'à dire que le roman, c'est un essai sous une forme narrative. Avec, il y a de la fiction. Vous savez, dans Montaigne aussi, il y a de la fiction, hein, malgré tout, les histoires qu'il raconte, etc. Lui, il fait pas le départ, il fait pas la différence entre ce qui est vraisemblable, ce qui est vrai, ce qui est vraiment arrivé. Il fait pas la différence. Il dit, j'ai reçu ça, je le donne. Comme dans la fiction. Donc, il n'y a pas d'abîme fiction réelle, vous voyez, dans les essais de Montaigne. Donc, on va pas dire que ça, c'était décisif pour opposer les... Bon, mais pourquoi? Mais pour une raison très simple. C'est que le grand roman est fondamentalement ambigu. Il n'y a pas de réponse à tous les coups. Dans un téléfilm avec un polar, il y a la réponse. Un grand roman, il n'y a pas de réponse. Les essais, c'est complètement emblématique. Il n'y a aucune réponse. Aucune réponse définitive. Il le dit lui-même. Il aurait pu écrire des essais encore pendant... s'il avait vécu 1000 ans, il aurait écrit des essais. C'est infini. Le grand roman est infini. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de limite sous cet angle. Il est ambigu. Il n'y a pas de sens figé. Il n'y a pas de sens constitué. C'est pour ça que j'ai lu le texte de Marguerite Duras. Vous avez raison. C'est du roman. C'est de la fiction. C'est une sorte d'autoportrait d'ailleurs aussi, puisqu'elle parle d'elle comme ça. On pourrait même dire que c'est de l'autofiction éventuellement. Et en même temps, on ne peut pas se la représenter. On a bien le sentiment qu'elle essaie de dire quelque chose. Et c'est le fait d'essayer de dire quelque chose qui est formidable et qui fait que c'est beau. Et du coup, on ressent l'inexprimable qui est au fond de nous-mêmes, c'est ça ce que vous voulez nous dire, absolument. Jean-Michel de la Comté ? Absolument. Absolument. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'y tromper. Selon moi, toujours. Bon. On dit Montaigne est un penseur. Bien évidemment. On dit, on va chercher chez Montaigne des leçons de vie. C'est vrai, pourquoi pas? Quoique lui-même, il se posait sans... Mais pourquoi pas? Des directions, d'accord. Mais d'abord, pourquoi lire Montaigne? Pourquoi lire Montaigne? Lui-même ne se trouve pas, c'est pour ça qu'il écrit les essais. On disait, hein, l'auteur introuvable, il ne se trouve pas. Il se cherche, bien. Pourquoi lire les essais? Mais parce que vous avez une langue d'une énergie incroyable. Et c'est quoi cette langue? Ça porte un nom, c'est de la poésie. C'est très simple, c'est de la poésie. Il suffit de... Alors on dit souvent, mais c'est difficile, Montaigne, mais c'est pas vrai, c'est pas si difficile que ça, il faut s'y mettre. On parle même de traduction en français moderne, mais je rêve. Il s'agit pas... On peut convertir en français moderne, on perd quand même le sel. Enfin, bon, traduction, ça va pas, non? Montaigne, il est contemporain de Ronsard, de Dubialet, de gens qu'on lit sans aucune difficulté, simplement... C'est de la poésie. C'est de la poésie en prose, comme Baudelaire pouvait faire des poèmes en prose. C'est pareil. C'est de la poésie, Montaigne. Et pourquoi le lire? Pourquoi c'est venu jusqu'à nous? Et pourquoi on le relit sans arrêt, selon moi? C'est l'énergie propre à la langue. C'est ça qui est essentiel. Et selon moi, l'énergie, c'est une coagulation dynamique de la langue. D'où mon adieu à Montaigne, qui est assez inquiet dans le fait que la langue commune aujourd'hui, commune, je veux dire générale, est une langue qui se dépoétise. D'abord parce qu'elle est rongée par l'anglo-américain, même si j'aime beaucoup l'anglais. Moi, j'ai rien contre l'anglais, on s'en fout. Mais elle est rongée par... Elle a honte d'elle-même, cette langue française, aujourd'hui. Cette perte d'une vision un tant soit peu poétique du monde et de la langue, je la trouve dramatique. Montaigne, c'est exactement le contraire. Que pensait Montaigne, puisque vous en parlez, Jean-Michel de la Comté, de l'enseignement qui se faisait justement des anciens durant son siècle, le 16e. À l'époque, comment on enseignait? Les essais, c'est une. Les essais, c'est une révolte contre une certaine façon d'enseigner, à savoir une façon d'enseigner scolastique, quoi, qui consistait essentiellement. Mais Rabelais avait déjà fait la même démarche, notez, qui consistait à jouer essentiellement sur deux choses, la mémoire et le jargon. Alors aujourd'hui, dans les études de lettres, on joue plus sur la mémoire, on ne compte plus sur elle. En revanche, sur le jargon, on y va à fond. Donc, Montaigne, en ce qui le concerne, réclamait une chose assez assez simple et en tout cas assez saine, qui est revenons à l'œuvre même, lisons-la, récitons-la, apprenons-la, aimons-la. Mais lui-même était un moderniste, on s'entend, Montaigne. Oui. Lui-même, il disait, c'est quoi ces métonymies, ces métaphores, ces allégories? Il vilipendait cet enseignement sonnaire, mis en traille, farci de termes alambiqués. Mais ne va-t-il pas que ce problème se retourne contre lui aujourd'hui, Montaigne? Parce que le français a vieilli aussi. Oui, mais il y a deux façons de le prendre, vous savez. Bien sûr. Hein? Soit... Oui. Oui, oui, soit comme un signe des temps à connaître. Oui. Ça fait partie de la culture. Mais pleinement. Mmh. Et de notre langue. Enfin, vous vous rendez compte quand même qu'on est en train aujourd'hui. Je sais pas, on va pas parler de la querelle de l'école et du collège, tout ça, mais au-delà de ça. En tout cas, il a été mêlé, Montaigne, à son époque, de cette querelle qui revient tout le temps. Il était mêlé, oui, parce que il défend un rapport à l'œuvre, au texte, lui, elle-même. Il n'aime pas les grammairiens. Il n'aime pas la scolastique. Il veut que la vie propre des textes puisse se développer et finalement nous éblouir. C'est ça l'affaire. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, apprendre par cœur, bon, c'est plus tellement à la mode. Mais par contre, alors on va prendre Montaigne, par exemple, ou d'autres, et on va le mettre sur sur une paillasse de laboratoire, et puis on va user de termes techniques. Mais on s'en fout de ça, nom de Dieu. On s'en fout. C'est pas ça l'affaire. Un bon cours, moi je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire parfois à des étudiants, souvent des étudiants étrangers d'ailleurs. Prenons, c'était pas Montaigne, c'était Racine, peu importe d'ailleurs. Prenons le texte, on le lit, et on le relit, et on le lit à nouveau. Et après, ben d'accord, on va faire une analyse, certes, mais d'abord ça. Que l'auditeur, que l'étudiant, que l'écolier sache que, à travers la langue, qui est sa langue, la langue de Montaigne, c'est la nôtre, hein. Même si elle est difficile parce qu'il a un génie particulier, c'est la nôtre. C'est pas un abîme, c'est pas une langue étrangère. D'abord, que celui qui écoute cette langue sache que c'est sa langue, et que d'autre part, cette langue le transperce, et dans le meilleur cas de figure, qu'elle le bouleverse. C'est une langue qui vient d'ailleurs, mais pour le rejoindre, l'auditeur, là où il est aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Michel de la Comté. Quelle rentrée, dites donc, avec vous et avec Montaigne, en bonne compagnie. Je rappelle l'ouvrage, votre ouvrage consacré à Montaigne, Adieu Montaigne, c'est chez Fayard. L'intégralité de la série avec Jean-Michel de la Comté, Montaigne, l'auteur introuvable, est désormais disponible pour une écoute par podcast ou en différé. Tout est à votre disposition, à la page de l'émission Notre jour est possible sur franceculture.fr. Merci beaucoup Jean-Michel de la Comté d'avoir été avec nous cette semaine. Merci mille fois. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Cyril Pedrosa. Bonjour. Alors pour vous, Montaigne, ça évoque quoi? Les années lycées? C'est un peu ça. Ça m'évoque parce que c'était moi, parce que c'était lui. J'ai un souvenir du récit d'une chute de cheval. Et je crois que ça s'arrête là. J'ai pas réouvert un livre de Montaigne depuis mes 16 ans, je crois. Et à l'époque, je les avais ouverts quand même très rapidement, très superficiellement. Eh ben, espérons que Jean-Michel de la Comté vous a donné envie. Mais oui, absolument. De m'y replonger. Oui. Les Équinoxes, votre dernier album s'est fait attendre 3 ans depuis le précédent, Portugal. Mais Première info, on n'a pas attendu pour rien. On retrouve votre Sodade en dessin qui nous avait tant marqué et tant manqué. Les Équinoxes édités par Dupuis dans la collection Air Libre est une fresque en forme de puzzle. Plusieurs personnages qu'on suit sur plusieurs années. Et si chacun est bien seul, il arrive que leur histoire géo se croisent. Impressionnant livre, surimpression de vie, surimpression de dessin et de destin, de forme et de fond, de silence et de parole, des textes, mais aussi des musiques, jazz, rock, Sodade toujours. Oui, mais cette fois, la mélancolie est plus proche. Elle est d'ici et de maintenant. Des désenchantements du temps présent. Car en 330 pages, le livre esquisse à sa manière un florilège de nos malaises actuels. Alors justement, Cyril Pedrosa, êtes-vous parti d'un inventaire pour imaginer les personnages et les histoires des équinoxes ? Non, j'ai pas fait le répertoire des malaises contemporains. Et pourtant. Et pourtant. Enfin, sans doute qu'il se recoupe parce que je vis dans mon époque. Donc évidemment, tout ça n'est pas hors sol. Je suis parti de quelque chose de plus simple, de plus recentré, d'un sentiment de solitude intérieure, je dirais. J'avais écrit comme ça une série de monologues dont j'avais pas forcément le sentiment qu'ils étaient liés les uns aux autres. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que là, j'avais une matière commune, quelque chose qui m'intéressait sur l'instant et sur lequel j'avais envie de travailler. Et puis, de proche en proche, quand on écrit une histoire, comme ça, on fait un pas en avant et puis un autre. Et petit à petit, comme ça, sont nés des personnages différents les uns des autres, qui étaient animés par ce sentiment de solitude, mais pour des raisons différentes. Et puis après, j'ai commencé à avoir envie de raconter, d'en savoir plus sur eux, de raconter leur histoire et de comprendre aussi pourquoi j'avais envie de m'intéresser à eux et à ce qu'ils ressentaient. Donc c'était comme toujours, enfin comme souvent en tout cas quand on fait des livres, en tout cas quand j'en fais, c'est un moyen de répondre à des questions. Donc là c'était ça, c'était essayer de se poser des questions existentielles, de pas se perdre malgré tout parce qu'elles sont vastes, donc on peut facilement perdre le chemin, mais d'essayer de se concentrer là-dessus. Mais vous les suivez sur plusieurs années, cette envie? Pas vraiment sur plusieurs années. Enfin, le livre laisse. On est sur plusieurs saisons. Effectivement, on peut imaginer que plusieurs années d'intervalle séparent les saisons. Moi, quand j'ai conçu l'histoire, j'imaginais que tout ça se passait sur une année. Mais en réalité, c'est assez ouvert. Ça fait partie. Le récit est assez structuré. Il y a un côté pulse, comme vous l'avez dit. Il y a un jeu, même dans l'écriture, pour faire se recouper les récits, les personnages, s'amuser à les faire se croiser les uns avec les autres. Avec un vrai sentiment de surimpression que vous n'utilisez pas seulement pour le dessin, d'ailleurs. Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais c'est-à-dire que j'aime bien, de manière générale, je trouve assez poétique les rencontres éphémères et improbables. Je trouve que c'est très beau, par exemple, quand on est sur une aire d'autoroute et qu'on se retrouve face ou qu'on croise des centaines de personnes qu'on ne reverra plus jamais. On voit des visages, on peut inventer des vies, enfin s'imaginer leur vie, etc. Et d'une façon ou d'une autre. On va apprendre au passage que vous avez une voiture, Cyril Pedrosa. J'aurais dit exactement la même chose. Les aires d'autoroute à pied. Non. Ouais, ben oui. Je me déplace en automobile. C'est extrêmement original de ma part. Non, mais j'aime bien l'éphémère de ces rencontres parce que je trouve que elles ont une incidence sur nous, en fait, de à peine comme. Enfin, j'arrive pas à trouver une image équivalente, mais c'est infime. Mais toutes ces rencontres, mais à l'image de toutes les rencontres qu'on fait dans une vie, en fait, qu'on peut pas répertorier, déterminent ce que nous sommes et nous influencent à notre corps défendant parfois. Mais c'est ça qui nous construit aussi. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus dans ce livre-là, de la façon dont, malgré notre sentiment de solitude intérieure parfois très violent, nous sommes en interaction avec les autres êtres humains, qu'on le veuille ou non. Et comment vous avez tranché sur le nombre de personnes, leur caractère psychologique? Pourquoi eux et pas d'autres, par exemple? Pourquoi eux et pas d'autres? Je me suis pas posé la question comme ça, c'est-à-dire que... Si, enfin, oui et non. Comme j'avais des monologues au départ de cette histoire, je les ai attribués à des personnages. Je me suis dit, tiens, ce monologue-là, ça pourrait être une jeune adolescente de 15 ans qui se sent un peu perdue et qui d'un seul coup va avoir envie de dessiner le monde autour d'elle. Ce personnage-là, ça pourrait être un prêtre. Enfin, et j'ai fait une espèce comme ça de, comme une distribution de rôles. Et puis, je me suis rendu compte, en essayant d'inventer ces personnages, de penser à eux, d'imaginer leur histoire, qu'il m'en manquait, que j'avais besoin de contrepoint à ces personnages-là. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, voilà, là, j'ai assez de personnages pour raconter tout ce que j'ai à dire. Donc, je m'arrête là. C'est découpé en quatre parties, les équinoxes, votre album, Cyril Pedrosa, quatre parties, quatre saisons, et chaque saison, chaque partie traitée différemment, graphiquement différemment, l'aquarelle pour l'automne, le crayon pour l'hiver, les pastels pour le printemps et des couleurs éclatantes pour l'été, ça vous le saviez depuis le début, vous vouliez faire justement cet exercice. Je savais depuis le début que je voulais donner une résonance plastique particulière pour chaque saison. Je ne savais pas à l'avance quelle serait cette résonance plastique. J'aime bien dans le dessin me garder le plus possible d'imprévu, en fait. Donc j'abordais chaque nouvelle saison en relisant la saison, en me disant, voilà, alors rappelons-nous, de quoi s'agit-il? Que faut-il raconter? Ah oui, c'est ça. Alors ça, quelle est la meilleure façon de le dessiner? Quelle serait la meilleure façon de le dessiner là, aujourd'hui, où j'en suis dans l'instant? Et comme ça, je lançais une piste et je suivais cette piste pendant tout le reste de la saison. Donc effectivement, là, par exemple, automne, j'ai commencé à dessiner au stylo bille à l'aquarelle. Et puis donc, j'ai fait toute cette saison de cette façon-là. Et quand la saison était terminée, je suis arrivé en hiver, j'ai relu hiver. Et je me suis dit, bon, maintenant, comment je dessine ça? Il y a deux raisons à ça. C'est d'abord que je trouve que, enfin, évidemment, les choix esthétiques font partie du langage en bande dessinée, c'est-à-dire que la forme qu'on donne au dessin a une incidence directe sur la façon dont le lecteur va percevoir le récit, et qu'au-delà des questions de cadrage, plan serré, plan large, ou enfin, qui sont des choses assez techniques, le dessin a une vraie incidence sur les sentiments, sur l'intimité que vous pouvez créer avec le lecteur, etc. Donc c'est très intéressant de travailler là-dessus. Et puis après, comme je savais que ce livre, il m'a pris beaucoup de temps, et quand on passe beaucoup de temps sur un même projet, la peur, c'est l'ennui, la répétition, le fait que ça devienne laborieux, et de savoir que j'avais cette possibilité-là aussi de changer de forme à chaque saison, c'était comme une espèce de renaissance, ça redonnait de l'élan en fait pour travailler. Alors, quand vous travaillez justement, Cyril Pedrosa, quels sont vos outils de travail ? Ils sont multiples. Il m'arrive parfois de faire avec ce que j'ai sous la main. C'est un très bon exercice pour se libérer de ses habitudes de travail. C'est très très bien. Mais après, j'avais du pastel, j'avais du crayon de couleur, j'avais de l'aquarelle, j'avais du crayon, de la mine de plomb. Après, le risque, c'est de se perdre parfois dans la forme. Surtout quand on a envie un peu de remettre en question son dessin. Donc je faisais en sorte aussi en même temps de ne pas avoir une palette trop trop large et de me limiter à ces moyens-là. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais décidé par exemple qu'une saison c'était du pastel et du crayon de couleur, c'était la règle, c'était la discipline, il fallait se tenir à ça. Et l'ordinateur, il vient quand ? L'ordinateur, il intervient un petit peu, en particulier dans ce livre-là, dans la deuxième saison, en hiver, parce que les planches ont été faites en mine de plomb, comme ça, avec des valeurs pour installer la lumière et les ombres. Et après, je retravaillais un tout petit peu à l'ordinateur pour donner un peu de couleur, en fait, dans ces gris, mais pour avoir des gris très colorés. Et puis, ça intervient à la marge, pour retoucher des choses. Et puis aussi pour les prologues. Chaque saison s'ouvre avec le prologue, qui est le récit muet, l'histoire d'un petit garçon qui vit à une époque indéterminée, mais qui a l'air quelque chose comme le néolithique, quelque chose comme ça. Et ça, ces images-là ont été colorisées entièrement sur ordinateur, en fait, en travaillant sur des masses de couleurs, un peu comme en sérigraphie. Et qu'est-ce que représentent justement ces petites histoires de ce jeune garçon perdu dans la nature? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un écho avec les histoires plutôt contemporaines, modernes? Il y a un écho, c'est-à-dire que... Alors après, bon, je laisse le lecteur... Moi, j'ai mon interprétation, le lecteur en fera ce qu'il voudra, mais pour moi, ce petit garçon, il a vécu, il a existé, il a... Alors c'est difficile d'en parler parce que le risque, c'est de d'effleurer une partie du livre, mais disons que ce qu'a fait ce petit garçon à un moment donné dans sa vie a une incidence sur les êtres humains dont on raconte le récit dans ce livre, voilà. Il y a beaucoup de textes dans votre album Cyril Pedrosa. Vous êtes tenté par la littérature de plus en plus? Je suis tenté par la littérature. J'aime l'écriture beaucoup. Et puis, pour décrire ces moments très intérieurs... Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a deux types de récits. Il y a des récits omniscients d'un narrateur, en fait. Et puis, il y a un récit d'une voix intérieure, d'un personnage qui s'appelle Camille. Et j'ai pas trouvé d'autre solution, finalement, pour dire ce que j'avais à dire sur ces personnages-là que de passer par l'écriture. Parce que la voix intérieure permet d'aborder des choses que le dessin ne permet pas d'aborder. En tout cas, moi, je n'y arrive pas avec le dessin. Je ne sais pas faire ça. je ne sais pas décrire la peur intérieure, les effondrements intérieurs, je ne sais pas faire ça avec du dessin. Le doute, d'un seul coup, l'amitié qui perd toute sa saveur pendant une seconde quand on étreint son ami et d'un seul coup, on a l'impression que c'est un étranger. C'est des moments extrêmement fugaces, extrêmement ténus, qui sont difficiles à représenter. Par contre, les nommer, essayer de mettre les mots justes et précis pour décrire ces instants-là, ça m'intéresse énormément et j'avais l'impression que c'était possible de le faire. Et ça vous a pris plus de temps, les textes? Pas plus, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Je les ai beaucoup travaillés. Parce que je voulais que ce soit très tenu, que ce soit très sobre, et si possible, même si ça n'a pas grand sens de le dire comme ça, si possible, bien écrit. Et votre humeur du jour, cher Cyril Pedrosa? Mon humeur du jour? Choisissez à votre tour trois questions dans la corbeille. J'ai choisi les questions. Et je vous les lis? Bien sûr. Aimeriez-vous changer de ville? Pas aujourd'hui, là. Pas ce jour-là. Je viens de déménager, mais j'aime changer de ville de manière générale. Et aujourd'hui, vous vivez où? Je vis à Nantes. Très jolie ville. Très jolie ville. Mais ville où vit la femme que j'aime, mais où vivent mes enfants. Mais de manière générale, j'aime changer de ville. Changer de ville, c'est un peu changer de vie, c'est se renouveler. C'est comme une renaissance à chaque fois, c'est très excitant. Une autre question? Alors, terminez la phrase suivante. La vie est belle, mais elle est longue. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Elle est longue? Elle est longue, ouais. Parfois, je trouve qu'elle est... C'est étonnant. Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Je vous dis en toute honnêteté ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Pourquoi, mais elle est longue? Je ne sais pas. Il m'arrive parfois de penser... Enfin, parfois, la vie est comme un enfermement. On a l'impression que... Non, mais c'est atroce de dire ça, en fait, parce que c'est pas juste. En plus, c'est pas ce que je ressens de manière générale. Mais parfois ça arrive j'arrive à ressentir ça, que la vie est un enfermement et il faut lutter contre elle. Il faut lutter contre cet enfermement de soi-même. Il faut s'inventer. Et enfin, troisième et dernière question. Quelle est votre définition du bonheur? quelque chose comme réussir à vivre ses désirs profonds. Vous y arrivez? Pas trop mal. Merci d'être venu. Je vous recommande vivement Les Équinoxes, le dernier album de Cyril Pedrosa, édité dans la collection Air Libre par Dupuis. À très bientôt. J'espère que vous allez nous revenir bientôt, Cyril Pedrosa. Ce sera avec grand plaisir. Ou il faudra encore attendre 3 ans. J'espère pas. J'espère que je serai plus rapide cette fois. Bonne matinée à tout le monde. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30, et quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne, ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Twitter. Un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, préparée avec Marie Dalquier et Pascaline Bonnet, réalisée par Thomas Duterre.